J'irai voir les putes de Paramaribo au soleil, soulevant leur rideau de triangle obscur, où se déverse, comme de l'azur incontinent, toute l'onction de mes visions nocturnes. Hantés par l'horreur et la folie, j'irai voir les putains de Paramaribo, au creux de ces ruelles déchues et de chair, et leur dirai: sauvez-moi de la pureté qui nous pousse à la mort, et laissez-moi tâter ce sein d'ivresse et m'y blottir, ne serait-ce qu'un instant qui m'emportera sans regret aux confins de la vie. J'irai voir les putains de Paramaribo, dont on dit qu'elles possèdent au fond de leur boule le sang impur, le secret qui vous dépouille et vous ramène pour toujours à la nature et à la mer. J'irai voir les putains de Paramaribo dès ce soir, et le cœur léger lavé m'en reviendrait en harmonie, une fleur à la queue, sifflant et dansant avec les bêtes et le minéral. Est-ce ainsi que je monterai au ciel avec les putains de Paramaribo au nom de Dieu? J'irai voir les putains de Paramaribo au soleil,